de l'école, du boulot plein les épaules et le cœur gros. Il va se faire engueuler, on lui a encore piqué son vélo. Là, il se verrait bien justicier, se vengeant à la pointe de son épée. Dans l'appart, il fait noir, sa mère rentre plus tard, comme tous les soirs. Personne pour entendre son histoire, en lui donnant son chocolat, y'a même pas le chat. Alors Polo parle au miroir, son reflet lui veut bien le croire. Mais assis sur le sol, devant l'écran de sa console, Polo il est le plus fort, il ne compte plus les pièces d'or. Et dans sa tête ça fait seul, t'as mal au ventre devant ton bol, devant ton bol. Elle te laisse sur le seuil de ses misères, de ses envols, de ses envols. Parfois avec elle, tu rigoles. Soudain tu retrouves la parole. Y'a plus de console, quand sur son ventre, tu te colles.